ville en ville, de chapiteau en chapiteau. Le clown n'en pouvait plus d'être juste un rigolo. Il voulait le pouvoir, il rêvait de luxure. S'imaginait dans des palaces et dans des grosses voitures. Il s'en alla de son cirque, des idées plein la tête, espérant faire fortune, conquérir la planète. Il commença par bosser dans le nouveau snack du coin, prêt à faire des heures sup, mais sûrement pas pour rien. Car oui, le clown, très fort en stratégie, savait que pour réussir, faudrait commencer petit. Il a fait ce qu'il fallait pour gravir les échelons, si bien qu'en pas longtemps, il est devenu patron. Ça se passe comment ? Ça se passe comme ça. Ça se passe comment? Ça se passe comme ça. Deuxième couplet. Sa soif de réussite n'étant pas étanchée, il se creusa les méninges pour se faire plus de blé. La répute de son snack commençait à se faire. Au bon moment, il eut une idée révolutionnaire. Pourquoi pas servir les clients dans leur voiture? Maintenant, les gens sont si feignants qu'ils adoreront, c'est sûr. En deux temps, trois mouvements, il devint le numéro un. Aujourd'hui, il est partout dans chaque pays, chaque patelin. Ça se passe comment? Ça se passe comme ça. Ça se passe comment? Ça se passe comme ça. C'est ce qu'on voit en surface, oui, mais derrière tout ça, y a une réelle menace dont chacun ne se doute pas. Gros bonnet du business, big boss de la malbouffe, ce clown est un truand qui devrait finir au newf. On aime sans se demander, ses casse-dalles synthétiques, grâce à lui les gosses viennent obèses à manger du chimique. Lui il brasse des milliards sur le dos de ses employés, qu'il soupaille au lance-pierre, qu'il exploite volontiers. Et ouais. La morale de cette histoire, c'est que même s'ils sont marrants, les clowns peuvent être de gros pourris, faut s'en méfier tout le temps. Quant à suite cette chanson, si un jour vous le croisez, attrapez-le, ne le lâchez pas, appelez José Bové. Ça se passe comment? Ça se passe comme ça. Ça se passe comment? Ça se passe comme ça.